Hey, toi, quoi? Racine, tu fais quoi ce soir? Bah, attends, je reviens là. Non, je te demande ce que tu fais ce soir. Bah, sortir avec des potes, pourquoi? Bah, rien du tout ce soir, tu restes ici, tu peux peut-être voir, tu joues à la console. Pendant que tu vas t'amuser. Ouais, bah, bien sûr, je veux m'amuser, moi. Bah, ouais, je vais t'amuser, bah, ouais. Aller voir. C'est sûr. Toi, hein, tu restes ici, j'ai envie que t'es un élève modèle. Tu sors pas, je te mets des troncs d'arbres devant la porte. T'es façon complètement malade, toi? Quand j'arrive dans la boîte, ça frotte et ça zouk, ça kiffe et ça touche, ton boule sur un zoom. Belle bite, t'es trop belle, ce soir t'es ma reine. Je t'emmène dans un rêve obligé que l'on baise. Abaisse ton portal, je m'en fous ton portable. T'es sexy comme Maria, et bien plus que potable. J'ai la trique comme un ouf, le roi de la fouf. Ramène la tondeuse, je suis poilu comme un ours. Avant tout le chantage, pardon le champagne. Au fait, ton prénom c'est Camille ou Chantal. Ça dance dans la place, ça look dans la classe, égargé dans la classe. Glaceuse, mets ta plat. Ambiance Jaco, éloignez la coco. Mini short pour l'écho et chaleur à gogo. Sortez les berlines, les bolides, les F1. Sortez les pombas, les ladies, moi j'ai faim. Je t'invite dans ma boîte, j'ai l'ambiance qu'il faut et le style qui déboîte. C'est les spots et la night, les degrés Celsius 100% Fahrenheit. Je t'invite dans ma boîte, j'ai l'ambiance qu'il faut et le style qui déboîte. C'est les spots et la night, les degrés Celsius 100% Fahrenheit. Pendant que mon frère s'occupe des miss, j'suis là à rien faire dans la part de la mif. J'invite des meufs, non, non. J'invite des refs, non, non. Enfermé comme un âne à jouer aux consoles, mon pote m'appelle. Wesh ma gueule, faut qu'on sort. Mais gros, je peux pas. Pourquoi t'es condamné? Bah oui, ce fada m'a bloqué au tronc d'art. J'te jure, c'est un film. Mon frère est l'acteur. Pour sortir de ce bordel, il me faut un tracteur. Le monde à l'envers, j'ai jeté mes converses. J'me sens tellement seul dans cette boîte à concert. Appelle la police. Tu veux qu'il me crève? Façon, dans le quartier, ils rentrent pas, ils le craignent. Mon frère, c'est Tony, il tire dans ce qui bouge. Un malade mental qui s'abrite dans des boules. Je t'invite dans ma boîte, j'ai l'ambiance qu'il faut et le style qui déboîte. C'est les spots et la night, les degrés Celsius 100% Fahrenheit. Je t'invite dans ma boîte, j'ai l'ambiance qu'il faut et le style qui déboîte. C'est les spots et la night, les degrés Celsius 100% Fahrenheit. Petite cajou, j'espère que t'as coupé du bois. Bah pleure pas, c'est l'arbérant. Mais gros et couchaille, il pleure comme une fille. Il dit que sa frère le fait vite dans un film. Amène une bouteille, un bout de camembert. Vas-y, faut que je me barre sur la tête de mon père. T'es reste au caillon, sinon t'es va voir. Amène-moi un poste que j'écoute pas la voix. Pourquoi t'es de malotte? Je t'étais d'ici. Je veux dire à tout le monde que ta liste est de piscine, pisseur à culotte. Vas-y, mais laisse-moi. Ferme gueule, ou sinon, mais je t'avais dans l'armoire. Je t'invite dans ma boîte, j'ai l'ambiance qu'il faut et le style qui déboîte. C'est les spots et la night, les degrés Celsius 100% Fahrenheit. Je t'invite dans ma boîte, j'ai l'ambiance qu'il faut et le style qui déboîte. C'est les spots et la night, les degrés Celsius 100% Fahrenheit. J'ai l'ambiance qu'il faut et le style qui déboîte. C'est les spots et la night, les degrés Celsius 100% Fahrenheit. Je t'invite dans ma boîte, j'ai l'ambiance qu'il faut et le style qui déboîte. C'est les spots et la night, les degrés Celsius 100% Fahrenheit.